L'Apocalypse ou révélation accordée à Jean. Chapitre 1. Dans ce livre sont présentés les événements que Jésus-Christ a révélés. Dieu lui a donné de les révéler pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait connaître à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Jean a raconté tout ce qu'il a vu. Il rapporte ici le message venu de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre, et heureux ceux qui écoutent les paroles de ce message prophétique et obéissent à ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. De la part de Jean aux sept églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui va venir, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené de la mort à la vie, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par sa mort, et a fait de nous un royaume de prêtres pour servir son Dieu et Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez. Il vient avec les nuages. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui va venir. Je suis Jean, votre frère, et dans l'union avec Jésus, je participe avec vous à la souffrance, au royaume et à l'attente patiente. J'ai été placé sur l'île appelée Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Elle disait « Écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre aux sept églises suivantes. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis sept porte-lampes d'or. Au milieu d'eux se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze fondu au four puis poli, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait sept étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche. Son visage était aussi brillant que le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, aussi bien ce qui se passe maintenant que ce qui doit arriver ensuite. Voici quel est le sens secret des sept étoiles que tu vois dans ma main droite et des sept porte-lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept porte-lampes sont les sept églises.